Je suis un Français moyen. Où ça y est, la nouvelle? Mais je vais vous la dire. Il paraît qu'au dernier conseil des ministres, ben ces messieurs, ils ont décrété l'austérité. Si, si, si. Il faut que le gouvernement fasse des économies. Et puis, il faut donner l'exemple. La preuve, c'est que non seulement l'État n'offrira plus gratuitement de belles voitures neuves aux ministres, avec quatre motards devant, quatre motards derrière, parce qu'ils ont peur qu'on leur prenne leur portefeuille. Plus d'automobiles à l'œil aux secrétaires de ministres et leurs beaux-frères, etc. Non seulement ça sera plus gratuit, mais en plus, ils payeront leurs vignettes. Comme des Français moyens. Ils ont dit ça, les ministres. On peut rêver. Même les députés, ils sont mis dans le coup. Mais rouges de confusion, c'est comme la cocarde qu'ils ont sur leur pare-brise. C'est ces petites cocardes bleu blanc rouge là qui leur interdisent d'avoir des contraventions. Même que leurs chauffeurs en sont gênés, c'est pour ça qu'ils rabattent toujours leur casquette devant les yeux. Ils ont dit, les députés, austérité, économie, faut donner l'exemple. Ben, tous les dimanches après-midi, il n'y aura plus 3000 agents, ni 600 officiers de police qui gardent le parking spécial. C'est juste à l'entrée là, des courses à Longchamp. Non, non. Et ben maintenant, ils iront placer leur voiture au grand parking, loin, là-bas. Comme des Français moyens. Ils ont dit ça, les députés. On peut rêver. Les sénateurs. Vous savez, les sénateurs, ceux dont on cause jamais, tellement qu'ils sont utiles. Eh ben, ils ont dit, les maires, les préfets ont décrété que devant leur mairie et leur préfecture, il n'y aura plus d'agents de police qui, si gentiment, vous dit « Circulez !»« Non, vous n'avez pas le droit, foutez le camp !»« Vous n'avez pas le droit de stationner ici, foutez le camp !»« Foutez le camp, je vous dis !» Mais non, non, parce qu'il y a la pancarte à l'intérieur de la mairie, elle va tomber. « Quelle pancarte ?» Mais si, la pancarte, là, il y a écrit « Liberté ». Égalité, fraternité. Laissez-moi stationner là, monsieur l'agent. Comme un Français moyen. Ils ont dit ça, les sénateurs. On peut rêver.